Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Aujourd'hui, on prend la direction de l'Yverdun, où l'été promet d'être animé. Concerts, marchés, spectacles, animations pour petits et grands. C'est les estivales de l'Yverdun. Pour nous en parler, Clotilde Cochet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chargée de communication à la mairie de l'Yverdun. En quelques mots, les estivales de l'Yverdun. Les estivales, ce sont des animations qui sont mises en place pour tout le monde. Notamment, il y a un gros volet réservé aux enfants. On pense beaucoup aux enfants à l'Yverdun qui ont besoin de passer du temps agréable pendant leurs vacances et de profiter d'un cadre de vie un peu magnifique qu'on peut avoir, de le partager avec la Moselle, avec la cité médiévale, la nouvelle esplanade qui a été rénovée à Le Rebours. Ce sont autant d'atouts dont le public peut profiter en libre accès. Et pour les animations, donc nous avons chaque dernier vendredi du mois un concert gratuit en plein air. On propose des styles de musique différents. Le 25 juillet, il s'agira de Joli Falzar. Il s'agit de chansons françaises cuivrées à l'accent espagnol. Et le 29 août, de l'Officine du Gueux, un tout autre registre, on donnera dans le folk rock. Et puis, cette année, nous avons donc mis en place une nouvelle animation. Ce sont des marchés, les marchés de la Halle. On donne rendez-vous au public les samedis matins de 10h à 14h. C'est le premier samedi de chaque mois. De nombreux exposants, artisans et de produits locaux sont présents dans un bel espace rénové au bord de la Moselle. Et nous animons ces marchés. Donc à chaque fois, nous avons soit du théâtre, soit de la musique. On continue aussi à animer les temps forts, les fêtes, la fête nationale avec un feu d'artifice et puis on anime aussi le 15 août. Donc chez nous, la fête nationale, c'est le 13 juillet. Et le 14 août, on a la fête des Lucioles. Donc ce sont des soirées dansantes avec DJ. De la danse, de la musique, mais il y a aussi proposé cet été à l'Yverdun différentes initiations de la pêche et de l'aviron. Oui, la pêche, en fait, ce sont des initiations. Donc on en a une par mois. C'était une initiation aux pêches en famille parce que l'Yverdun est labellisé station pêche. Donc le but est d'initier les gens à la pêche pour qu'ils puissent repartir en famille après. Donc chez nous, ce sera le 16 juillet, le 13 août et le 6 septembre. Donc ce sont vraiment des petites formations qui sont dispensées par la Fédération de pêche de Meurthe-et-Moselle et l'association locale avec qui nous sommes affiliés, la PPMA, Pêche et Nature du Toulois. Et donc pour l'aviron, effectivement, nous avons un club qui propose des initiations tous les week-ends jusqu'au 15 septembre sur inscription. Les différentes propositions pour se divertir à l'Yverdun cet été ne s'arrêtent pas là. Il y a aussi notamment quelques expositions. Alors nous avons des galeries qui sont ouvertes tous les week-ends dans la ville médiévale, un atelier d'artistes. Nous avons une galerie céramique, nous avons une personne qui a un atelier qui est plutôt dans le figuratif. Il y a aussi une galerie qui s'appelle La Cave, donc là ça va être plutôt des mandalas, ça va être des petits jardins clos, mais c'est surtout des ambiances, des lieux qui sont magnifiques à découvrir. Et puis la galerie Le Corridor sera ouverte également avec deux expositions cet été. Nous aurons aussi une académie de musique ancienne en août qui va proposer des concerts pendant toute la durée de son intervention, donc du 18 au 24 août. Nous aurons des animations au lavoir, donc c'est-à-dire que tous les week-ends, si vous voulez, il y aura de l'animation à l'Yverdun, en plus du beau patrimoine que nous pouvons mettre à la disposition du public. Nous avons aussi à destination des enfants, nous installons un jardin de jeux à cœur ouvert qu'on appelle « C'est pour les enfants » avec des structures gonflables, des manèges, un mini-train. Donc ça, c'est jusqu'au 13 juillet tous les jours. Autre proposition, direction cette fois le Château Corbin. Au Château Corbin, tous les week-ends, il y a des animations. Donc nous avons un café associatif. C'est un concept très intéressant. Vous êtes déjà dans le cadre du Château Corbin qui est magnifique, avec une vue sur la Moselle depuis sa terrasse. Et les bénévoles proposent des animations tous les week-ends. Alors, ça peut être une friperie, ça peut être un atelier vélo. Il y aura beaucoup de concerts, il y aura du théâtre, des animations pour les enfants, des expositions également. Donc, tous les week-ends, il y a des choses à voir. Et il y a aussi l'exposition de la médiathèque qui est tous les samedis à visiter. C'est une exposition de pastel sec qu'on accueille cette année, puisque le café associatif et la médiathèque sont sur un même lieu. Une programmation très riche à vivre cet été à Liverdun. Où retrouver toutes les infos pratiques? Eh bien, on va sur le site www.liverdun.fr. Le programme est en libre téléchargement. On retrouve toutes les dates, toutes les activités que vous pouvez pratiquer pendant toute cette période estivale jusqu'au 29 août à Liverdun. Merci beaucoup Clotilde Cochet. Bel été à Liverdun. Merci beaucoup.